des salons funéraires avec ta famille, mais il faut que tu aies une petite goutte qui tombe. Ça, c'est bon dire. Il est nous, lui. C'est intéressant l'expérience que j'ai vécue à l'église. Parce que ça, c'est manipuler mon corps astral, ça me fait m'envoyer une larme. Puis je voulais avoir. Mais là, dis, c'est pour raison. L'ampleur du traumatisme est égale à l'ignorance qu'on a du degré d'interface qu'ils ont avec nous. Ils sont réellement dans notre soupe. C'est pas des nouilles. Moi, je me rappelle en 69, quand je t'ai parlé de ça, je disais, Chris, vous dormez jamais? C'est moi à peine. Allez vous coucher. Ils faisaient son temps, ils disaient, allez, vite, pour vous autres. Pas de vite, là. Comme ça qu'ils me barbaient mon égo, là. Je me réveillais dans la nuit, dans ce cours-là. Allez vous coucher. Vous couchez pas, vous dormez pas. Là, il dit, oh, oh, oh. Mais il dit comme ça, oh, oh, oh. Ils disent que vous êtes la femme. Question? Il dit la compréhension totale de l'événement, c'est une grande compréhension. C'est grand. Une grande compréhension. Si vous êtes quand même une grande compréhension comme ça, ça paraît y bien les affaires. C'est fort la compréhension. Parce que de la compréhension, dans le sens occulte du terme, ça équilibre votre mental, votre astral, votre éthérique. Ça veut dire que ça équilibre tous vos corps. Parce que votre corps physique, il est équilibré par ça. Ça fait partie de la conscience. On vit dans les mondes. Le corps physique peut être déséquilibré, mais le corps physique peut être rééquilibré. Ça dépend de la conscience de l'homme. C'est simple, tu comprends? Si vous commencez à mettre des éclairs, la dev, des tonnerres, là, tu sais. Quand tu comprends, tu comprends. C'est ça la grande compréhension. La grande compréhension est bien simple. Puis, il n'y a pas de gros éclairs, pas de gros tonnerres. Ouais, tu comprends. Tu sais que c'est ça, puis c'est final. Puis, il n'y a personne qui peut te l'enlever, tatoué. Si vous commencez à penser que la grande compréhension, là, c'est des gros éclairs puis des gros tonnerres, là, vous allez donner de l'amplitude spirituelle ou symbolique à la conscience. Là, ben, c'est pas bon parce que vous allez vous spiritualiser encore. La compréhension, c'est simple, c'est basic. Alors ça, là, vous allez commencer à vous rappeler des gourous puis tout le bébé. C'est très. L'intelligence, c'est très simple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si difficile à atteindre, parce que c'est simple. Quand vous comprenez quelque chose, Il dit, quand vous comprenez quelque chose, ça dépend toujours de votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est mental, c'est parfait. Si votre taux vibratoire est astralisé, c'est un petit peu moins parfait. Fait que la compréhension est un petit peu moins parfaite. Ça dépend de votre taux vibratoire. Ça dépend de votre conscience mentale. Donc, ça dépend de la diminution de votre émotivité dans votre mental. C'est ça la transmutation des corps. Moi, quand je comprends quelque chose, c'est final. Personne ne peut me changer, je le comprends.